Mais qui sont mes amis? Qui sont mes amis? Ceux à qui je baise les femmes. Mais qui sont mes amis? Qui sont mes amis? Ceux à qui je vends du bleu. Mais où sont mes amis? Où sont mes amis? Leur voiture est-elle en panne? Où sont mes amis? Où sont mes amis? Car sans eux, je fais ce que je veux. Les flics m'ont dit que je n'avais pas d'amis. Et eux, pourquoi ont-ils fini ainsi en civil dans une mégane comme un sponsor? Plaqué sur le capot désigné à l'usage de ce sort. Les keufs sont des cons, mais il faut réfléchir sans s'en rendre compte. Mes amis, je me suis bien trompé sur leur compte. Mes amis sont juste sur MySpace. Je peux pas les toucher et je trouve ça space. Mes potes sont des becs chauffés à blanc. Ils m'ont fumé mon oseille et laissé en blanc. Mes amis sont pas des babacoules mais des hippies. Des punks et pas des gothiques. Et Delphine, j'emmerde ces connards, j'en parle au branché. Qui nique des dépressifs comme toi censé s'évader. Mes amis sont tous partis en balle et en boîte. Moi je continue ma vie dans les raves et les squats. Et puis d'abord j'aime que la drogue et pas les gens. Les faux culs m'ont foutu des bâtons dans les jambes. Mais qui sont mes amis? Qui sont mes amis? Ceux à qui je baise les femmes. Mais qui sont mes amis? Qui sont mes amis? Ceux à qui je vends du bleu. Mais où sont mes amis? Où sont mes amis? Leur voiture est-elle en panne? Mais où sont mes amis? Où sont mes amis? Car sans eux, je fais ce que je veux. Entre nous, dis-moi, Silver, pourquoi tu nous prends pour tes amis, au fait? Mais toi, je t'emmerde, tu te la fermes, tes perches en perme. Vous êtes pas mes amis, mais vous êtes mes potes. Vous m'avez maudit, et j'aimerais vous voir morte. Vous gâchez ma vie, et me fermez la porte. Je taxe de partout, j'avance dans les troupes. Je fréquente plusieurs groupes, je lèche plusieurs groupes. Je casse plusieurs croûtes, mais j'en ai rien à foutre. Je suis l'itinérant d'amitié qui laisse ses traces de foutre dans mon forêt. Moins académique que courbé, tu te couvres et te couvres pour me laisser passer. Ta mère te couvre et te mouche le nez pendant que je me lavais. C'est moi l'emmerdeur, c'est moi le gratteur, le squatteur taxeur, c'est moi le batteur qui gâche ta fête et qui te fait la fête. Ton ange frappeur qui a baisé ta sœur, qui n'avait pas cœur, je viens vous donner l'heure. Je compte pour du beurre, mais vous vous comptez pour du shit. Mais qui sont mes amis? Qui sont mes amis? Ceux à qui je vais défendre. Qui sont mes amis? Qui sont mes amis? Ceux à qui je vends du bleu. Où sont mes amis? Où sont mes amis? Leur voiture est-elle en panne? Mais où sont mes amis? Où sont mes amis? Car sans jeu, je fais ce que je veux. J'ai besoin d'aide. N'écoute que les gens qui t'engueulent, parce que les hypocrites en ont vraiment rien à foutre de ta sale gueule. Oh putain, merde, la bac. Hey, le jeune là-bas, contrôle de police, viens ici, bat ma carte. Bon alors, c'est la bac là. Allez, vite tes poches, t'as une gueule d'étudiant, je suis sûr que tu fumes du shit, vite tes poches. Alors, qu'est-ce que tu fais ici tout seul en plein samedi? Hein, t'as pas d'amis, hein? Non, il a pas l'air d'en avoir. Bah, tu fais quoi dans la vie? Étudiant en cinéma. Oh, va voir un beau film, tiens. Pourquoi tu vas pas boire un coup dans un bar au lieu de traîner dans la rue? Parce que j'ai pas de fric. Ouais, pas étonnant que t'es pas d'amis. Oh putain, loser, vas-y, t'as pas de boulet de shit là, vite tes poches, vite tes poches, t'es pas de police là, vas-y.